L'homme qui ouvrait son parapluie le dimanche était un amoureux. Il composait de la musique électronique ou haletait des voix métalliques dans un mixeur d'harmonie calculé au micron, rien qu'en tournant le bouton. Il dessinait des cavales d'écume qui mangeaient les dunes sous un soleil piqué trop haut, en chômage derrière son nuage. Il fumait le cerveau vide en rêvant des absentes. La vie coulait trop lente. L'homme qui ouvrait son parapluie le dimanche n'était pas heureux. Pendant que ces dames cherchaient leur âme, ils suivaient les chats sur les toits et les suspects au coin des bois. Quand ils n'attendaient plus rien, une belle revenait. Son réveil sonnait. Mon chapeau, mes gants, les fleurs de la saison. Voici madame les couleurs. Voici la maison où les murs pleurent. L'homme qui ouvrait son parapluie le dimanche devenait furieux, jaloux, méchant, violent, envieux. Il surveillait les belles sur un écran magnétique où s'inscrivaient les signes cabalistiques transmis par des yéménites à des berbères nomades qui les avaient volés au au cours d'un pillage au Moyen-Âge. Elle cachait dans des abris souterrains de la poudre à perlimpinpin pour faire pleurer de rage ses yeux bleus d'assassin. Au rodéo des amoureux, sa vidéo captait leur jeu. Ensoleillé.